Alors le musulman peut invoquer son Seigneur à n'importe quel moment. وَمِنْهَا عِبَادَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ. Et parmi ceux-ci, il y a des actes d'adoration qui sont liés à un moment précis. كَالصِّيَامِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ. Tel que le jeûne et la prière du Eid. فَلِذَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ الْأَشْهُرَ الْهِجْرِيَّةِ لِيَسْتَعِدَّ لِهَذِهِ الْعِبَادَاتِ. Et c'est pour cela qu'il est convenable aux musulmans qu'ils connaissent les mois du calendrier égyptien, afin qu'ils se préparent pour ces actes d'adoration. فمعرفة هذه الأشهر تعينه في عمله ودراسته وغير ذلك من الأمور. Car nous tous, grands ou petits, connaissons les mois qui ont été établis par les autres que les musulmans, par les non-musulmans. Nous les connaissons tous. Janvier, février, mars, avril. Les grands et les petits. Et cela fait partie de la science profitable. Nous en avons besoin. Car certes, le musulman va avoir des échanges, des affaires avec les non-musulmans. Cela va l'aider dans son travail, dans ses études, dans son organisation de façon générale. Il n'y a pas de mal à cela. Là, tu n'as pas de mal. لكن الإشكال أن كثيرا من المسلمين اليوم يجهلون الأشهر الهجرية. Mais le problème est que beaucoup de musulmans aujourd'hui ignorent les mois du calendrier égyptien. ويجهلون فضائلها. Et ils ignorent les mérites de ces mois. بل من إخواننا الذين تعلموا اللغة العربية من يجهل هذه الأشهر. Et pire que cela, il y a parmi nos frères qui ont appris la langue arabe, certains qui ignorent ces mois. هذه الأشهر التي يجب على المسلمين أن يعرفوها. Ces mois dont il est obligatoire aux musulmans de les connaître. Obligatoire ? Non. Il est obligatoire que dans la communauté musulmane, il y a des gens qui connaissent ces mois. Pourquoi ? فإن الناس لو جهلوا كلهم هذه الأشهر كيف نصوم رمضان ? كيف نحج البيت ? Car si tous les gens ignorent ces mois, comment allons-nous jeûner Ramadan ? Comment allons-nous accomplir le pèlerinage si nous ne connaissons pas leur période ? وهي أشهر قليلة. Et c'est un petit nombre de mois. 12. فَعِبَادَ اللَّهِ لَا تَتَهَوَّنُوا بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ. Ô serviteur d'Allah, ne méprisez aucun sujet de votre religion. Ne méprisez aucun sujet de votre religion. Allah le Très-Haut, il dit إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. Certes, le nombre des mois auprès d'Allah est de 12. Dans la prescription d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre. Ça fait partie de notre religion. Le jour où il a créé les cieux et la terre. Quand le Moussa a dit, je t'affirme. Aïe, elle achoua al-ma'ruf. Et Moussa a dit dans son tafsir, c'est-à-dire les mois qui sont connus. Là, Moussa, il ne les a pas cités. Parce que ces mois sont connus pour la majorité des musulmans. لكن الحال في أوروبا يختلف. Cependant, la situation en Europe est différente. فإن أكثر المسلمين في هذه البلاد يجهلون هذه الأشياء. C'est que la majorité des musulmans dans ces pays ici, en Europe, ignorent quels sont ces mois. Les ignorent quels sont ces mois. Al-Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Oula, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qi'ad, Dhul-Hijjah, 12. C'est pas difficile à mémoriser. Il n'a rien pas dit là comme dit d'elle. فأنت أيها المسلم ينبغي لك أن تستعد للعبادات المتعلقة بزمن معين. Et donc toi, ô musulman, il faut que tu te prépares pour les actes d'adoration qui sont liés à une époque, à un moment particulier. Alors le Très-Haut il dit إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Certes, le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah. Le jour où il a créé les cieux et la terre. Et parmi ceux-ci, parmi ces mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Ceci est la religion de droiture. Alors ne vous faites pas injustice durant ceux-ci. C'est-à-dire durant ces mois. فالأشهر الحرم كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc les mois bénis, comme l'a cité le prophète صلى الله عليه وسلم, comme l'a montré le prophète صلى الله عليه وسلم, ce sont Rajab, Dhul-Qi'ada, et Dhul-Hijja, et Al-Muharram. كثير من الناس لا يحرصون على معرفة هذه الأشهر مع أن معرفتها مهم. Et beaucoup de personnes ne cherchent pas à savoir quels sont ces mois bénis. Alors que le fait de connaître ces mois bénis est d'une grande importance. La rétribution liée aux œuvres durant ces mois est multipliée. La rétribution liée aux œuvres durant ces mois est multipliée. فالحسنات مضاعفة والسيئات مضاعفة. Les bonnes actions sont multipliées et les mauvaises sont multipliées. قال ابن كثير رحمه الله. ابن كثير رحمه الله يقول في تفسيره فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ne vous faites pas injustice à votre propre personne. Durant ceci, c'est-à-dire la parole d'Allah qu'on a cité précédemment. Ne vous faites pas injustice durant ceci, durant ces mois. Il dit Ay fi hadhihi al-ashhur al-muharram li'annahu aqad wa ablagu fi al-ithm min ghayrihi kama anna al-ma'asi fi al-balad al-haram tudha'af liqawlihi ta'ala wa man yurid fihi bi-ilhad bi-dhulm نذقه من عذاب أليم وكذلك الأشهر الحرم تغلظ فيه الأثام. Donc il dit Ibn Kathir rahimahullah, c'est-à-dire durant ces mois sacrés, ne vous faites pas injustice durant ces mois sacrés, car les péchés durant ceux-ci sont plus prononcés et plus graves, de la même façon que les péchés dans la terre sacrée sont multipliés, ils sont plus graves. Et cela par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulm nuzighu min 'adhabin alim. Et quiconque cherche à y accomplir, c'est-à-dire dans cette terre sacrée, quiconque cherche à y accomplir un sacrilège en toute injustice, alors nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Ensuite, il nous questionne et continue en disant, et de la même façon, les mois sacrés, durant les mois sacrés, les péchés sont aggravés. Fin de citation. Fenataraj Jabul Yaum. Mime wa parafi hikesi ou mine muslimi. Fihad il ashur al muharram. Min izaj min jiran. Wa ihraq al siyarat. Wa seb. Wa dorm. Wa kod yasiru ila al qatl. Kullu hada min ajli korat al qadr. Et donc nous sommes choqués aujourd'hui de voir où est arrivée la situation de beaucoup de musulmans qui, durant ces mois sacrés, sont tombés dans des péchés, comme le fait de déranger le voisinage, brûler les voitures, insulter, frapper, et certains peuvent arriver jusqu'au meurtre. Tout cela pour un match de foot. Tout cela pour un match de foot. Walid Asafi Chéri. Et malheureusement, durant le mois de Dhul Qa'dah, un mois sacré, ne vous faites pas injustice à vous-même durant ceci, durant ces mois. Quoi que dire de les musulmans, si ma bine à vous, l'adawat, et beaucoup de musulmans entre eux, l'animosité, la haine, la division, durant ces mois sacrés. Durant ces mois sacrés, fais la tâche de nous faire une info sacrée. Adieu, Hadim Sunou. Hadim Sunou. La tiwakat. Muharramatun fi kulli l'am. Wa tazdadu tahriman wa hurmatan fi hadhihi al-ashhur al-hurum. Ô musulmans, ces péchés qui se sont produits sont interdits durant toute l'année. Et leur interdiction est plus prononcée durant ces mois sacrés. Tabihou. Alors faites attention. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qala li ashabihi. Ayu yawmin hadha. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil respectif que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: quel jour sommes-nous? Il dit en fait sakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmihi. Nous nous sommes tus jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait le nommer par un autre que son nom. Qala alaysa yawmun laha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-ce pas le jour du sacrifice? Kulna bala, nous avons dit n'est-ce pas? En effet, nous avons dit en effet. Il dit: ayu shahrin hadha? Quel mois est-ce? En quel mois sommes-nous? Il dit: fa sakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismihi. Nous nous sommes tués jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait le citer par un autre que son nom. Il dit: Elisa, Elisa, fils de Hijja. Ne sommes-nous pas durant Dhul Hijja? Ils dirent: ben, ils dirent: en effet. Et là, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont entre vous sacrés comme le caractère sacré de ce jour et comme le caractère sacré de ce mois, et comme le caractère sacré de ce lieu, la Mecque. Il a mis ça à Yoann Muslim. Jusqu'à où allons-nous aller, aux musulmans? Jusqu'à où? Yann Barilana. Un Nataham al-Bihadi al-Moussous. Il est convenable qu'on œuvre avec ces textes aux musulmans. Faites-vous, Firadi al-Ashou. Alors faites attention durant ces mois. Akoulou Kordi Hada. واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد أيها المسلمون انتهزوا الفرصة في هذا الشهر للتقرب إلى الله واحرصوا على أن تكون أيامكم مليئة بالطاعات وأنواع العبادات من صيام وقراءة وصلاة ودعاء وغير ذلك أو مسلمان saisissez l'occasion durant ce mois afin de vous rapprocher d'Allah تبارك وتعالى et efforcez-vous afin que vos jours soient remplis de bonnes actions et d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Par le jeûne, la lecture, l'invocation et autres. Akhraj al-Bukhari fi sahih. Al-Bukhari il a cité dans son recueil selon Abbas radiallahu anhuma, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma min ayyamin al-amalu salih فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. Il n'y a aucun jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées auprès d'Allah que ces 10 jours. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. Les compagnons le disent. Et non pas le jihad في سبيل الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء فلم يرجع من ذلك بشيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et non plus le jihad fi sabilillah. Il n'y a pas d'œuvre plus aimée auprès d'Allah que les œuvres durant ces 10 jours. Et même pas le jihad fi sabilillah. Sauf un homme qui est sorti avec ses biens et sa propre personne et qui est revenu. Et qui n'est pas revenu, et qui n'est revenu avec quoi que ce soit de cela, c'est-à-dire qu'il est mort. والمراد بالجهاد في هذا الحديث ليس هو العمليات الإرهابية فإن هذه ليست من الجهاد في سبيل الله. Et attention, le mot jihad, le combat dans le sens d'Allah, c'est qu'il n'est pas voulu par là les actes terroristes des criminels, car cela ne fait pas partie du combat dans le sens d'Allah. بل إن هذه الأعمال الإرهابية من الجهاد في سبيل الشيطان car ces actes terroristes font partie dans, du combat dans le sentier du diable. فنرجع إلى موضوعنا. Donc nous revenons à notre sujet. فالعمل في هذه الأيام له فضل عظيم. اجتهدوا أيها المسلمون ولا تضيعوا أوقاتكم. Et donc les œuvres, les bonnes actions durant ces jours ont un grand mérite. Alors faites beaucoup d'efforts aux musulmans et ne perdez pas votre temps. Voilà tout ça pour tout hadith force à l'avim. Et ne laissez pas passer cette bonne occasion. Et implorez le pardon de votre Seigneur pour tout péché commis. Et réconciliez-vous. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل رجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذر هذين حتى يصطلحا. Muslim a cité selon Abu Huraira radhiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les lundis et jeudis, les portes du paradis sont ouvertes. Et il est pardonné à tout homme qui n'accorde à Allah aucun associé, sauf à un homme qui a de l'animosité avec son frère en islam, ou son frère de sang. Sauf un homme qui a de l'animosité avec son frère, alors il a dit: faites patienter ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Faites patienter ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Faites patienter ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Cela t'a pour nous dit, yamna'ukum min al-istifada min hadhihi al-ayyam. Et donc ne faites pas ce qui va vous empêcher de profiter de ces jours bénis, ô mes frères. Wa akhiran, udhakkirukum bi anna man arada an yudahhi fala ya'khudha min sha'rihi wa adfarihi wa basharihi shay'an. Et enfin, pour finir, je vous rappelle que celui qui cherche, celui qui a l'intention de sacrifier une bête, alors qu'il ne se coupe pas les ongles, ni les poils, et ni la peau, durant ces jours, jusqu'à avoir égorgé. Akhraja muslimun an ummi salama tarfa'u anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal idha dakhala al-ashr wa 'indahu adhiya yuridu an yudahhi fala ya'khudha sha'ran wa la yaqlima ghufran. Muslim a cité selon Umm Salama, qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: lorsque les 10 jours de Dhul-Hijjah arrivent et que l'un d'entre vous possède une bête qu'il veut sacrifier, alors qu'il ne coupe pas ses poils et qu'il ne taille pas ses ongles. Et dans une autre version, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِي فَلَا يَمَسَّ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ شَيْئًا. Et dans une autre version, si les 10 jours de Dhul-Hijjah arrivent et que l'un d'entre vous veut égorger, alors qu'il ne touche pas à ses poils et à sa peau. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير إنه على كل شيء قدير وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.